969CFNJFM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 23 novembre 2016 de Mélomanes. Gros merci d'être là comme toujours et gros merci aussi pour la semaine passée. Vous étiez très nombreux à l'écoute du Requiem pour Leonard Cohen. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ont découvert M. Cohen sous un autre jour et vous ne pouvez pas me faire plus plaisir parce que c'est pas mal le but de l'émission, on ne se le cachera pas. Mais là, ce soir, attention, parce qu'après deux semaines assez smooth avec deux très beaux spéciaux, par contre, soit le Méloman acoustique et comme on disait, le fameux Requiem, eh bien, on s'enligne pour une émission qui va, par moment, du moins, s'avérer assez décapante. Merci. Vous savez, dans les années 60, il y avait des bateaux qui naviguaient jusqu'en eau internationale pour diffuser du matériel interdit sur la terre ferme. C'est ce qu'on appelait de la radio pirate, mes amis. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que je diffuse présentement dans plein milieu du lac Saint-Gabriel. Pas de garde-côte en vue. Et on commence ça avec un groupe de géants qui ont justement sorti un album cette semaine, mais nous, on les écoute il y a 33 ans de ça. Attention, encore une fois, c'est très décapant, mesdames et messieurs. Radio Pirate 8, 99 ans, CFNJ. lui réserve-t-on? On le brise en morceaux. Et moi, je l'écrase en le... Strangulation! Tranchons-lui la gorge. Je ne voudrais pas les décevoir. Nous lui ferons tout cela. skyscrapers down to the submarine. I just can't get you out of my head. Oh, boy, it's cold. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et oui, vous êtes en plein Radio Pirate 8 de Mélomanes ce soir. Vous le savez, si vous ne le saviez pas, eh bien, je vous le dis, un Radio Pirate, c'est un format où on se laisse un peu plus aller, disons, parce que des fois, on a effectivement besoin de se défouler un peu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas place à la découverte, comme d'habitude. Par contre, comme ça a peut-être été le cas pour cette belle reprise d'un gros hit de Kylie Minogue qu'on vient d'entendre, « Can't get you head of my... » Wow! « Can't get you out of my head » par les Cris de Paris, qui sont un chœur français très respecté en 2009. Chose qui suivait la folie organisée de Mr. Bungle, groupe de Mike Patton, chanteur de Faith No More et de Fantomas, aussi qu'on avait entendu dans notre spécial d'Halloween il n'y a pas si longtemps. Il va aussi faire partie de plein d'autres groupes comme Tomahawk et Lovage, entre autres. Mais là, c'est avec Mr. Bungle qu'on l'a entendu ici, un des plus respectés, avec The Air Conditioned Nightmare de l'excellent California de 1999. Que je vous conseille d'ailleurs. Une musique qui, au premier abord, a l'air assez décousue comme ça, mais qui demande en fait des musiciens chevronnés pour la jouer. On a aussi entendu un hit de 1983 pour The Cure avec The Walk. Et tout ça qui était précédé d'un petit clin d'œil avec Tuez-les tous de Ludwig von 88 en 87. Ironiquement, un groupe de punk français très important du temps de Berrurier Noir. Mais donc, Tuez-les tous, qui suivait un extrait de Kill 'Em All, un album immensément important dans l'histoire de la musique, plus particulièrement de l'avènement du thrash metal en 1983, avec évidemment Metallica et Metal Militia. Metallica qui ont justement sorti leur tant attendu Hardwired to Self-Destruct la semaine passée. Bref, c'est ça un radio pirate, faut pas trop s'en faire, il y a jamais personne qui en est mort. Et là, écoutez, on change de style quand même beaucoup avec quelques Canadiens et ou Québécois, dont un gars de la Nouvelle-Écosse qu'on écoute à l'instant au 99 CFNJ. My dad would have to say he's been wearing a beard ever since Mom passed away. She would have hated it. Inspiring, he likes to go to church to hear the choir sing Roses and Blue Jays. Winter comes, game over, he's in the driveway removing snow with a flamethrower. Drives a hard bargain, knows how to get the deals. Spring fever hits, he needs a new set of wheels. Every year never fails. Around in his hometown beachcombing roses and blue jays. I'm a lot like my father. He knows he should go to work, but sometimes he doesn't bother. Reads books of every sort, gets all the news he needs from the weather report. The door stays open a few days and closes. What's more important than blue jays and roses? Son of a gun, the old man is something else. In addition to being a bullfighter and magician, he's a lazy river, a slow-moving train. Future Hall of Famer, playing through the pain. He's a grizzly bear. And do you know what time he even saw a UFO? My dad's favorite things are roses and blue jays. I would say we're the same in more than a few ways. We're full of beans and big ideas. Cause I can't sleep, I'm not sure why he is. Wide awake and off to the races. Out of gas and lost in space. So full of beans and big ideas. Cause I can't sleep, I'm not sure why he is. Wide awake and off to the races. Out of gas and lost in space. We'll be right back. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Thank you. Papa's words ringing in my ears. Son, you've got to get tighter with your tears. Just because she's leaving, don't start believing that your rock and roll days are gone. Cause nothing lasts forever but old Fords and a natural storm. And when those sad songs and slow hurting songs get you down, nothing lasts forever like old Fords and a natural storm. Diamonds are forever in these old cars, they still keep rolling on. And all those I love you forevers, they're just words can't be depended on. Cause when they're wrong, they're wrong. And when they're gone, they're gone. Cause nothing lasts forever but old Fords or a natural storm. Papa's words ringing in my ear. Son, you've got to get tighter with your tears. Et si vous êtes toujours vivant, ben vous êtes en pleine 8e édition du Radio Pirate Mélomane au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et vous allez me dire pourquoi du Willie Nelson dans un Radio Pirate? Eh bien, premièrement, M. Nelson a toujours été un peu punk dans l'âme. Il a même fait partie d'une clique qu'on a surnommée les Outlaws du country, soit les hors-la-loi, avec Waylon Jennings, entre autres. Mais la raison est plus simple que ça, parce qu'il y en a déjà fait des plus punk que celles qu'on a entendues, qui s'appellent Old Fords and the Natural Stone de 82. En fait, il y a une ligne dans la pièce, je ne sais pas si vous avez remarqué, la fameuse Nothing Lasts Forever, qu'on a entendue à répétition dans la pièce, qui fait étrangement penser à la même ligne mélodique, même parole qu'on a aussi entendu juste avant dans la chanson par excellence du mois de novembre, soit bien sûr November Rain de Guns N' Roses, single de 92, sorti en album en 91. Donc peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a eu une petite influence, sait-on jamais. Mais même si on était chercher ça un peu loin. Et sinon, écoutez, j'espère que les oreilles vous ont pas trop frisé, parce que juste avant, on a aussi entendu un thème que plusieurs ont dû reconnaître, celui des mystérieuses Cités d'or, bien sûr, fameuse émission jeunesse des années 80-90, dans une version de 2001, assez musclée, merci, par Overbass, groupe alternatif mythique des années 90, québécois, pour ceux qui ne connaissent pas. Et parlant d'années 90 plutôt, imaginez-vous qu'on a aussi entendu Moist avec Disco Days, une très belle chanson qui n'avait pas nécessairement été un succès lors de sa sortie en 96. Moist, des Canadiens qui venaient initialement de Colombie-Britannique, mais qui viennent s'installer pour enregistrer leur album à Montréal. Et tout ça amorcé par un autre Canadien de Nouvelle-Écosse, cette fois-ci, soit le seul et unique Buck 65 avec Roses and Blue Jays en 2003. Et que le temps passe vite. Bref, nous, il faudrait quand même pas oublier qu'on est en plein Radio Pirate 8. CFNG. I can't stand it. I know you're winning. I'ma send it straight to Le petit lapin de Playboy ronge mon crâne végétal. Qui me roulait entre ses doigts comme du caporal, me sucetait comme un cachou, et savait le dialecte chou. Blanche clinique, neuropsychiatrique, à force de patience et d'inaction, j'ai pu dresser un hoton. Sur ma tête et du port, l'hélicoptère. De ses élytres d'or refermant l'habitacle, incline ses antennes, porteuse d'SOS. Mais merde, les phalènes, frémissantes du stress, interceptent en vol mes signaux de détresse. Manque de vol. De la Nondière, quelques nuages pour les prochaines heures, un minimum de moins 4. De la faible neige qui débute en après-midi jeudi, maximum 0. Et nuageux, quelques averses vendredi, maximum de 3 degrés. Et les secteurs du nord, Saint-Michel, les environs, quelques nuages cette nuit, un minimum de moins 9. De la faible neige qui débute tard en après-midi jeudi, maximum de moins 2. Et neige intermittente vendredi, maximum 1 degré. CFNJ 99A. I'm sure you've heard it.

Et encore un petit détour vers les années 90 en ce Radio Pirate 8, Mélomane, toujours au 99.1 et 88.9 CFNJ, avec Bush ou Bush X, pour ceux qui se rappellent que le groupe avait dû changer de nom pour des raisons légales, avec un gros hit, ou disons un hit modéré mais très mélodique en 96 avec Swallowed, Nostalgie quand tu nous tiens. Mais je dis modéré parce que c'était rien à peu près dans les mêmes années à comparer à Wonderwall d'Oasis qu'on a entendu juste avant. Mais dans une version radicalement différente, soit celle de Cat Power, une artiste qu'il faut connaître si c'est pas déjà fait, en 2011. Et là, complètement ailleurs, on s'est égaré à l'asile, au cœur d'un des grands albums concept de Gainsbourg en 76. Je dis au cœur, mais en fait, c'était la dernière chanson de l'album. Presque un album prog. Et là, je parle du chef-d'œuvre en son genre, qu'est l'homme à tête de chou, duquel on a entendu la pièce Lunatic Asylum, une chanson qui nous raconte, longue histoire courte, l'arrivée à l'asile d'un personnage principal après qu'il ait tué sa blonde à coups d'extincteur. Donc, ça vous donne une petite idée. Ça a l'air morbide dit comme ça, mais c'est un tour de force de Serge Gainsbourg et quand on connaît le personnage, il n'y a rien de très surprenant là-dedans. Un album qui, d'ailleurs, va être pris en intégrale par Alain Bachung avant sa mort, il n'y a pas très longtemps de ça, en 2009. Mais pour être surpris, vous l'avez peut-être été un peu plus avec Pantera, qu'on a entendu aussi avec leur grand classique This Love de 1992. Pantera qui, eux, vont justement arriver au moment où le grunge va prendre son essor. Ils vont pas mal sauver le métal, d'ailleurs, à un moment où tous les yeux sont rivés sur Nirvana, avec un genre d'hybride de trash très dynamique que certains vont appeler le groove metal. Mais là, je veux pas partir de débat là-dessus parce que je sais que les métalleux ont chacun leur opinion là-dessus. Mais surtout, on pense au grand Dimebag Darrell, guitariste du groupe, qui s'est fait assassiner sur scène devant son frère Vinnie Paul. En plus, il y a de ça très bientôt 12 ans, le 8 décembre en fait, même date que John Lennon, imaginez. Bref, une grosse tragédie dans le monde du rock en général parce que Dimebag, tout le monde l'aimait, tout comme Adam York, alias MCA, des Beastie Boys, qu'on a entendu juste avant avec le classique Sabotage de 1994. On en perd-tu du bon monde pareil? Bref, vous êtes toujours à Mélomane Radio Pirate, 99.1 CFNJ. J'aurais voulu être un arbre pour faire un vulgaire étalage de métallin. Pour apparaître comme par magie sur vos écrans. Pour voyager sur les plages, traverser l'océan. Pour compter les étincelles dans vos yeux géants. Pour faire des palmarès de mes états d'âme décadents. Que les clasheurs m'arrêtent et me disent qu'ils ont vécu dans mes quatre temps. Et quand on sert l'espoir, elle est-ce qu'à tous ensemble, on chante en même temps. J'aurais voulu être en marche. Pour entendre ma voix parmi ses mélodies. Pour enfin connaître le sort et son ironie. Je voudrais bien mettre la clé dans la porte de mon petit logis. Pour déménager quelque part où on vit la nuit. Autour de moi ça se gâte, l'industrie s'ennuie. On essaye de réinventer le rock par une mise en pli. Je voudrais être une star du bon vieux temps qui aujourd'hui en rit. Partir un mouvement de Paris jusqu'à Saint-Henri. Non, je serais pas mon fandant, ni même ma tête enflée. Tellement que je serais gentil, les gens diraient que je sais bien danser. Je donnerais des spectacles de 3 heures avec 4 appels. Jusqu'à ce que je me fonde sur la scène comme ramasser à l'appel. Je voulais entendre des milliers de fans, je répondrais à l'appel. Manger autre chose que de la pizza pis des falafels. Rentrer dans n'importe quel club sans même faire la file. Je pense que j'aurais voulu être un arbre. Pour faire un vulgaire étalage de mes talents. Pour apparaître comme par magie sur vos écrans. Pour voyager sur les plages, traverser l'océan. Pour compter les étincelles dans vos yeux géants. Pour faire les palmarès de mes états d'âme décadents. Que les clasheurs m'arrêtent et me disent qu'ils ont vécu dans mes quatre temps. Et quand on sort l'espoir renaît, quand tout s'assemble, on chante en même temps. En fait, je suis pas que si isolé. Je suis comme toutes vous autres. Tout le monde rêve d'être artiste un jour ou l'autre. Voir sa tête sur les affiches au lieu du gros boulot. Faire la fête sur la piste à chaque jour nouveau. Et moi, je me rends au sommet. Puis ça, je te le promets. Je suis pas le mec qui s'arrête devant les défis. Là, tu me connais. Je voulais qu'on m'entende résonner comme les vieux jams sonnaient. Parce que j'aurais voulu être un artiste. Pour faire un vulgaire étalage de mes talents. Pour apparaître comme par magie sur vos écrans. Pour voyager sur les plages, traverser l'océan. Pour compter les étincelles dans vos yeux géants. Pour faire les palmarès de mes états d'âme décadents. chars m'arrêtent et me disent qu'ils ont vécu dans mes quatre temps. Et quand on sert l'espoir, elle est à 200 ans, on chante en même temps. Pourquoi je voulais le faire? Pour rendre ma mère fière. Pour être sûr que celle que j'aime soit toujours sincère. Aussi pour mes frères et pour certains sortent de la galère. Le je t'envoie pas des blagues en l'air. Pourquoi je voulais le faire? Pour rendre ma mère fière. Pour être sûr que celle que j'aime soit toujours sincère. Aussi pour mes frères, il faut que certains sortent de la galère. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Pour faire un cœur et d'un demi-terre. Pour apparaître comme par magie sur vos écrans. Pour voyager sur les plages, traverser l'océan. Pour compter les étincelles dans vos yeux géants. Pour faire du palmarès de mes étonnants des galères. Que les cracheurs m'arrêtent et me disent qu'ils ont vécu dans mes quatre temps. Et quand on sort l'espoir, elle espère tout ça sur mon chanteur. Tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra. In your side we is pleasure, boom she pleasure. Googling every

sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, oh, oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. As the flames rose to her Roman nose and her Walkman started to melt. Et c'est The Smiths qu'on vient d'entendre sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ ou encore CFNJ.net pour cette huitième édition du Radio Pirate Méloman. Et comme on disait, The Smiths qui commence à être des habitués de l'émission, un groupe anglais très important dans l'histoire de la musique, un groupe qu'on a parfois appelé le tout premier groupe alternatif, du moins un groupe qui a ramené les guitares dans le rock des années 80 à un moment dans l'histoire où les synthétiseurs dominaient en maître. Donc The Smiths avec Big Mouth Strikes Again de l'album The Queen Is Dead de 86, qui précédait un groupe montréalais, soit Arcade Fire, bien sûr, un groupe qui, un peu comme The Smiths à son époque, va populariser à plus grande échelle la musique indépendante, underground si on veut, et qu'on a entendu avec deux pièces dans une, soit Black Wave, chantée par Régine Chassagne, native d'Haïti, et Bad Vibrations, chanté par Win Butler, lui natif du Texas. Tout ça tiré de l'album Neon Bible de 2007. Chose qui était précédée à son tour d'un gars qui, lui, est natif de Chicoutimi, Peter, avec une chanson toute récente, Noir Eden, sortie cet été au mois de juin, si je ne m'abuse. Un autre magnifique groupe qu'on avait déjà entendu au moins une fois à l'émission aussi, les Britanniques Alt J, toujours dans l'indie rock inventif avec l'excellente Fitz Pleasure de 2012 déjà. Donc on était pas mal dans l'indie rock, mis à part Damien, le rappeur guitariste avec J'aurais voulu, succès souvenir de 2005, basé sur le blues du businessman bien sûr. Mais là le prochain bloc va être assez particulier parce qu'il va être entièrement constitué de gens qui ont flirté de près, parfois même de très près, surtout les trois premiers, avec un système politique mal connu et mal mené qui s'appelle l'anarchie. Donc, bloc anarchique, Radio Pirate, Mélomane, 99.1, CFNJ. Supplying anyway. Said I only wanted well-behaved boys. Do they think guitars and microphones are just fucking toys? Fuck them, try them to make my stand against what I feel is wrong with this land. Just sit there on their overfed asses, feeding off the sweat of less fortunate class. Do their fucking power, cut their fingers on a band. Got control, won't let it be forgotten. Do the very reality, the wrong and ever can. Do it ain't Belfast, that's the fucking fun. Resting on a fence, finding the action to your rap and doing pound. Turn a fucking nerd, turn to the game face. Please stand me, fishing up the sweat of strength. Protection for the privilege to let any late. Government protecting their province on the phone. We're trying to function on shining up the dome. Find that a paper by us a little more. And the shit I get, shit I get, shit I get, shit I get, shit I get, shit I get, shit I get. Shit I get, defense, shit, it's stabbing at the wall. And I'm up on a government, knows what the fuck is for. Oh yes, I say it's defense, say it's decency. A lie in Russia, man, know what I mean. Say fucking lies with impressive frequency. Say me how to do it, keep our lives clean. Who's the lie, who's fucking lies? Who the fuck are they talking to? Who's the lie, who's fucking lies? Tell you one thing, it ain't me and the system's crushed everywhere. School, lobby, church, corporation deal. That's a reality based on fear. Fucking conspiracy has done you feeling real. Wrong, I got me, say they fucking wrong. I can't really live on that farm, got me some. Man from the wrong sea, okay. Never mind supplying it anyway. Go! Une manie de vieux garçon, moi j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. C'est cette mâle ritournelle, cette antienne virile qui retentit dans la guérite de la vaillante sentinelle. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Afin de tromper son cafard, de voir la vie moins terne, tout en veillant sur sa lanterne, chante ainsi le gardien de phare. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Après la prière du soir, comme il est un peu triste, chante ainsi le séminariste à genoux sur son reposoir. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore.

quand tu te réveilles, pis t'as pris un coup la veille, quel calvaire. T'aurais le goût d'une cigarette, mais t'as rien que des allumettes, quel calvaire. Tu finis ton fond de bouteille, tu bois les mégots de la veille, quel calvaire. En fermant le tape à cassette, tu mets le pied dans le plat de crevettes, quel calvaire. Quel calvaire. Calvaire, calvaire. Ma prière me disait ça. Oublie jamais mon petit gars. On a chacun nos petites misères, mais faut pas s'en faire un calvaire. Matin qui fait ben frette, t'as du trouble avec ta chaufferette, quel calvaire. Tu vas chercher ta poubelle, et tout est foiré dans ruelle, quel calvaire. Tu rencontres une belle brunette, tu te rends compte qu'elle se donne ta bête, quel calvaire. Un beau jour ton boss t'appelle, et tu retombes en bas de l'échelle, quel calvaire. Quel calvaire. Calvaire, calvaire. Ma prière me disait ça. Oublie jamais mon petit gars. On a chacun nos petites misères, mais faut pas s'en faire un calvaire. Quel calvaire. Calvaire, calvaire. Ma prière me disait ça. Oublie jamais mon petit gars. On a chacun nos petites misères, mais faut pas s'en faire un calvaire. Lit a thin green candle to make you jealous of me, but the room just filled up with mosquitoes. They heard that my body was free. Then I took the dust of a long sleepless night and I put it in your little shoe. And then I confessed that I tortured the dress that you wore for the world to look through. I showed my heart to the doctor. He said I'd just have to quit. Then he wrote himself a prescription, and your name was mentioned in it. Then he locked himself in a library shelf with the details of our honeymoon. I hear from the nurse that he's gotten much worse and his practice is all in a ruin. heard of a saint who had loved you. So I studied all night in his school. He taught that the duty of lovers is to tarnish the golden rule. And just when I was sure that his teachings were pure, he drowned himself in the pool. His body is gone, but back here on the lawn, his spirit continues to drool. An Eskimo showed me a movie he'd recently taken of you. The poor man could hardly stop shivering. His lips and his fingers were blue. I suppose that he froze when the wind took your clothes, and I guess he just never got warm. But you stand there so nice in your blizzard of ice. Oh, please let me come into the storm. Toujours au 99.1 et 88.9 CFNJ pour ce qui s'avère déjà la fin de cette 8e édition du Radio Pirate Méloman. Et là, on vient d'entendre une magnifique chanson qui était supposée clore notre Requiem pour Leonard Cohen la semaine passée. Mais le temps a manqué et vous pouvez pas savoir combien ça m'a rendu malheureux toute la semaine. Donc, il fallait que je vous la fasse jouer ce soir. La pièce qui clôturait merveilleusement bien le premier album de Cohen de 67. One of Us Cannot Be Wrong. Classique des classiques qu'il faut absolument ajouter à votre liste de la semaine passée. Et qui suivait ici un autre classique en son genre, le seul et unique Plume avec Calvaire, Volver de 74, qui est une reprise. Faudrait fouiller un peu plus, mais un auditeur qui m'a envoyé quelque chose avec un Mexicain qui chantait ça. Donc, on regardera ça pour les versions originales, peut-être dans une autre émission, justement. Et avant tout ça, eh bien, c'est là qu'on a eu droit à notre trio infernal d'anarchistes assumés. L'anarchie qui, en passant, relève pas vraiment du chaos auquel on l'associe. En fait, c'est un système politique au même titre que le capitalisme ou le communisme, par exemple, élaboré en grosse partie par Pierre-Joseph Proudhon au 19e siècle. Même que ça serait un système basé, entre autres, sur le troc, sur la bonne volonté des gens, donc peut-être un peu beaucoup utopique. Mais là, écoutez, c'est pas pour faire la promotion de quoi que ce soit, mais je pense que c'est quand même important, des fois, historiquement, de remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Et des artistes anarchistes, eh bien, il y en a eu beaucoup, comme vous vous en doutez, mais pas juste dans le gros punk, un mouvement auquel on va plus souvent associer ça. Il y a eu aussi, entre autres, Léo Ferré, très ouvert sur le sujet, qu'on a entendu ici avec Préface de 73, tout comme Brassens aussi, ouvertement anarchiste aussi, avec Fernande, pas nécessairement une chanson qui parlait d'anarchie ici, mais qui faisait assez Radio Pirate, merci, chanson grivoise par excellence, un an plus tôt, donc en 72. Et bien sûr, quand même, un groupe de punk en bonne et due forme, un des plus importants groupes de punk, en fait, parce que c'est quand même un Radio Pirate, soit le groupe Crass, qu'il faut découvrir si ça vous intéresse. Certainement un des groupes les plus intègres de tous les temps avec Band from the Roxy de 79. Le Roxy qui était un des clubs les plus importants pour la scène punk originale à Londres. Et donc, c'est ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, qu'on vous a pas trop brassé. Faites-vous-en pas, on revient à un programme normal la semaine prochaine pour un beau varié format classique. Donc, mercredi prochain, dès 20h. Et moi, eh bien, je vous laisse avec une magnifique pièce du groupe Muse. Mais tout d'abord, en vous souhaitant une bonne semaine, une autre petite canadienne. Au 99.1 CFNJ. Well, it's time to begin as the summer sets in. That's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath. Summer go on and on. Well, they try to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't fooled by that summer again. February, April said, not half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Seasons wait for your knock.